soki ya mdio. Atele lomo bani, akimi ngai, asunduli ngai na bana. Je ne peux que louer le Seigneur. Quelle est la chose qui arrive sans que l'Éternel ne l'ait permise? Nakomi tungisa te, pona ebi azana mabongisa mikito, kopona bongo inamai.